très joli mobile, mais ici, pas de folie. Oh, la colère est dans son sang, et c'est tout son corps qui prend. Excuse me, miss, from asking you this, but who may your good man be?